Le plus important dans le travail, c'est déjà d'en avoir un. C'est vrai. Mais là, tout le monde a eu du temps pour réfléchir. Et pour pas mal de femmes et d'hommes, il est de plus en plus important de faire un travail qui a du sens, quitte à bouger, changer de boîte, voire de métier. Et ces personnes-là, il va falloir les fidéliser, les motiver ou les recruter. Surtout qu'ils représentent presque un tiers des Français. On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après. Découvrez toutes les solutions Randstad sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le Yoga et moi, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui pratique avec assiduité et qui s'interroge sur le yoga, même immergé 7 jours et 7 nuits parmi les yogis. Alors pour commencer, les personnages, un homme transformé, une prof galvanisée, Henri David Thoreau, un enfant du yoga, une notaire stressée, une femme rétablie, un gourou qui exporte, l'ami du yogi, une femme renforcée, un psychanalyste lacanien et une prof lucide. Ensuite, le décor. Le Kundalini, un festival qui a 40 ans, une voix, des lignes de plaisir, des ronflements, l'aube, le bénévolat, la forêt, le Congo, l'Égypte et le Togo, le mouvement hippie, l'air du Verseau, la Sologne avant le corona, le manque de temps et la transe. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute un yogi. Sometimes you speak certain things, they tear you apart. Your total universe is based on one word spoken. And there is another language when you don't speak. There's a body language, there's a spoken language, and there's a language of the being. On dit qu'on entre dans l'ère du Verseau. Quand on fait le yoga, l'une des premières expériences, l'expérience de la Kundalini, comme on l'appelle ici en Inde, c'est justement que la conscience s'élève, qu'elle brise cette carapace dure, là, au sommet du crâne, et on émerge enfin dans la lumière. C'est le corps lui-même qui s'éveille dans ses cellules et les désordres se réparent. If you can develop consistency with Kundalini yoga, miracles and blessings will be everywhere for you. It doesn't matter who you are. Energy is a friend to everyone. Soyez conscient de votre respiration. Festival européen de yoga, l'énergie Kundalini. Expirez profondément. Et sentez que, grâce aux méditations profondes que vous allez faire dans les 3 jours à venir, quelque chose va changer en vous. Laissez cette possibilité, cette ouverture, même si c'est l'inconnu, justement, en tant que yogi, nous accueillons l'inconnu. One, two, you can mentally project the sounds. I am beautiful, I am bliss, I am. Donc on va le faire en communication céleste, c'est-à-dire avec les mouvements. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss. Là, vous entendez peut-être au loin une petite voix qui chante un peu faux au milieu de la forêt. I am, je suis là avec une quinzaine de personnes que je ne connais pas et une enseignante de yoga. On n'est pas en Inde, mais près de Blois, quelques mois avant l'épidémie de Corona. On est dans le plus vieux festival de yoga de France qui existe depuis plus de 40 ans. C'est la première fois que j'y vais et j'ai décidé de vivre cette expérience, pas seulement avec mes micros et mon casque de radio, mais aussi avec mon tapis, mes couvertures, mon thermos de thé et ma flexibilité relative de quarantenaire urbaine suractive. Alors j'ai acheté mon pass en ligne et j'ai reçu un bracelet pour circuler sur le site. Mon seul rendez-vous obligatoire, c'est de retrouver ce groupe tous les matins à 10h. Une petite certitude dans l'inconnu de cet été hors du temps et au milieu de ces 3500 yogis venus du monde entier, Allemagne, Chine, Russie, Canada, Italie, Suède, Espagne, France. Ici, tout le monde s'accommode des concepts sanskrits ou gourmukhi, des postures. On parle anglais pendant les cours et on a laissé notre confort moderne à l'orée de ce bois de Sologne. T'as lavé ta vaisselle là, t'as lavé tes toilettes là, c'est fait. Ok, c'est ça. Ouais. Ça a transformé ma vie, le Kundalini, pour de vrai. Oh yeah. Small one, small like that. Le tout premier cours. J'ai fait ça dans un hôtel à Montréal. Puis là, j'ai vu Yoga Kundalini. J'ai dit, c'est quoi ça? Moi, je m'en vais faire ça. Il y avait même des femmes, les seins nus, puis tout ça. Puis là, dans c'est... le cours de yoga? Ouais. Puis, je m'attendais à rien. Là, moi, je faisais juste ce que le prof, il disait. Puis le prof, il parlait fort. Il y avait une énergie. La voix emplissait toute la salle. Puis à un moment donné, j'ai eu deux lignes de plaisir qui ont monté comme ça. J'ai fait à cette vitesse-là, assez pour que je dise, mais qu'est-ce que c'est ça? Comme ça, à l'intérieur. Puis là, jusqu'à mes yeux ont pleuré de plaisir. Puis il me faisait faire plein de mouvements que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Tu sais, la rotation soufie, puis machin comme rotation ça. Rotation des hanches. Oui, la rotation soufie, c'est comme ça, non? Tu sais. Est-ce que le plaisir, ça avait un rapport avec les femmes nues dans la salle? Parce non, absolument pas, parce que moi, les femmes, ça ne m'attire pas, je suis gay. C'était pas un orgasme. Tu sais, un orgasme, c'est différent, là. Mais c'est vrai, j'ai jamais rien vécu de pareil. Deux lignes de plaisir, très, très, très définies, là, à l'intérieur. Les nadis? Oui, ça se peut. C'est quoi, nadis? C'est les nadis. Parce que ça le quoi? Mais c'était Ida pas... et Pingala. Quand tu respires, OK, de la narine gauche, c'est Ida. Puis Pingala, c'est la narine droite. Le soleil. Ouais, le soleil et la lune, c'est ça. Tu sais, les deux serpents, là, la Kundalini, ben, c'est ça. OK? Puis Shushuma, ben, c'est la colonne centrale. Shushuna, hein? Shushuna. Je comprends rien. J'ai senti qu'il est droit. Excuse-moi, j'ai un fou rire, c'est quoi? Ici, on pratique un yoga un peu spécial. Ça s'appelle le yoga Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie vitale qui serait tapie comme un serpent au fond de nous et que ce yoga permet de faire remonter le long de la colonne vertébrale. C'est un yoga qui vise à l'éveil de la conscience par la maîtrise de cette énergie. Le yoga Kundalini a des origines très anciennes, mais il est arrivé en Occident grâce à un maître, Yogi Bhajan, dont on reparlera plus tard. Ici donc, pas de posture spectaculaire comme celle qu'on peut voir sur Instagram, pas d'équilibre sur les mains ou sur la tête. En yoga Kundalini, on fait des mouvements assez simples, comme tendre les bras à 60 degrés, les pouces levés, mais qu'il faut tenir longtemps, souvent plus d'11 minutes. Ici, pas de leggings moulants, mais plutôt des tenues amples et claires et des têtes couvertes pour contenir cette fameuse énergie vitale. Et surtout ici, on respire, ou plutôt on prend conscience de son inspiration et de son expiration. On pratique parfois l'apnée en serrant le périnée, et souvent on expire comme pour allumer un feu préhistorique. Ça fait un peu tourner la tête. Quand tu respires, l'énergie se répand plus dans ton corps plutôt que d'être centrée juste ici, tu sais, ça, ouais, ça ouvre. Ouais, ouais. Parce que tous les yogas sont faits pour activer la conscience dans le corps. Ouais. Mais le yoga Kundalini, c'est vraiment spécifique à faire ça. Ouais. Mes orgasmes sont bien meilleurs qu'avant. Ouais, c'est clair. Ça vous donne ce résultat-là, vous aussi? Bon, moi, je pratique que depuis hier, alors. Allez, ah, OK. Ben non, là, ça va prendre un certain temps, là. Ouais, c'est ça. Relax. Sit with the hands in the mudra on the knee. Le point d'orgue du festival, c'est 3 jours de tantra blanc. Ce tantra n'a rien de sexuel, c'est juste 3 jours de méditation intense pendant lesquels 3500 festivaliers méditent ensemble, assis en ligne géométrique. Comme le dit ce prof, ici, dans ce yoga, la force qu'on développe, c'est le willpower. Le fait de ne pas lâcher, de muscler sa volonté, de ne pas baisser les bras, au sens propre et figuré. Très vite, j'ai senti les effets positifs des cours. Pas une transformation radicale, spectaculaire, mais certainement un état que je n'avais jamais connu auparavant dans une autre pratique sportive. Mais la transformation, c'est que tu deviens de plus en plus proche de toi-même. C'est ça que ça t'apporte, le yoga Kundalini. C'est que ça flush ce que tu n'as pas besoin dans ta vie. Ça fait comme... C'est comme ça. C'est pas nécessairement pendant que tu fais le yoga Kundalini. C'est quand tu retournes dans ta vie que tu vis ta vie. Moi, je suis un prof de mathématiques. Je tripais sur les maths quand j'étais jeune. Ça fait 26 ans que j'enseigne les mathématiques, ouais. Je gagne ma vie avec ça. J'ai pris conscience que je peux pas, parce que moi, mon pattern, c'était de performer pour me faire aimer. Puis là, j'ai pris conscience que je peux plus faire ça. Par exemple, je ne suis pas responsable de qu'est-ce que vit ma mère, parce qu'elle a une maladie, puis tout ça. Puis l'autre pattern que j'avais, c'est que j'étais pas capable de recevoir l'amour des autres. Je sentais pas que les autres m'aimaient. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que j'aille chercher ça. Maintenant, c'est plus là. Du coup, toi, tu pratiques tous les jours? Oui. Ça transforme ta journée, donc ça transforme ta vie parce que ta vie, c'est la somme de tes journées. T'sais. Ben, c'est sur le long terme. T'sais, moi, je fais de la danse aérobique, là, ça fait 22 ans. Ça va pas transformer le cœur de toi-même. Là. Ça va pas... ça, la différence. Ouais. Le Kundalini, je l'enseigne à l'école où je travaille. J'enseigne les mathématiques dans une école, fait que je l'enseigne aux collègues, à mes collègues, puis aux secrétaires. J'offre ce cours-là le jeudi midi, puis ils viennent, puis ils me font plein de commentaires qui sont plus en paix, qui dorment mieux, tout ça. Puis là, à la fin de l'année scolaire, ils m'ont dit, Stéphane, tu vas-tu recommencer? Oui, oui, je vais recommencer, on en fait. T'as pas peur qu'ils aient une expérience de plaisir intense comme ça à l'école? Oh, ben, non, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Aller chercher, oui. En fait, oui. Ma bouteille à moi. C'est quoi ton nom? Élodie. Moi, c'est Élodie. Comment? Élodie. Élodie. Ça fait plaisir, Élodie. Where can I sit? Are you coming with children? No. No. Ah, children. Just for family children. Ah. Bon, moi, je n'ai pas encore connu l'expérience de plaisir intense dont parle Stéphane de Montréal. Je trouve même les règles du festival un peu strictes, enfin, un peu hédonistes. Ici, personne n'a les seins nus, bien sûr. La pratique commence quand même à 4h30 du matin, on appelle ça la sadhana. On consomme 2 repas par jour seulement, tous ensemble, assis par terre. À 8h30, soupe de patates au curry. Et le dîner est à 16h30 avec du riz aux lentilles au curry, des carottes et une feuille de laitue. On est loin des luxueuses retraites de yoga. Mais pour beaucoup ici, ce festival, c'est un peu un rêve auquel penser toute l'année. Se retrouver en pleine nature, faire du yoga à la carte à partir de 4h30 du mat jusque tard dans la nuit, la libération des contraintes du quotidien et surtout la fraternité, la communauté et la bienveillance. Mais moi, en arrivant, je trouve que ma voisine sent un peu les pieds et surtout, mon premier enregistrement, le soir de mon arrivée, c'est ça. Les ronflements de mes voisines chinoises dansent le seuil de ma tolérance. C'est le milieu de la nuit, quoi. Et je rêve déjà de frites bien grasses. Bref, je me demande un peu ce que je fous là. C'est quand même un beau ciel. C'est bien de pas trop parler avant la sadhana. C'est bien de pas trop parler avant la sadhana. Pardon. Rise up, sweet family. It's the time for the love. Je pense mille personnes avec des petites lampes de poche ou des portables qui sont en train de réciter des prières. Je vais essayer de dérouler mon tapis aussi. Mais c'est impressionnant, on dirait une rêve partie. Avec des petites lampes de poche et des gens habillés en blanc entourés de foulards. Ça me rappelle un petit peu le jour de Kippour à la synagogue. Il faut que vous serviez en dehors de la marmite parce que s'il y a des herbes sous le thermos ou sous la tasse, ça va tomber dans la grande marmite. Donc là, c'est encore mon groupe de ce qu'on appelle la Seva dans ce festival. Alors, je n'ai pas étudié le sanskrit, mais j'ai appris que Seva, c'est un terme dont la racine sève veut dire servir. Au départ, ça renvoie à une action peu valorisée de la classe la plus basse qui doit servir les classes supérieures. Mais aujourd'hui, dans le yoga et dans ce festival européen, la Seva, c'est un karma yoga, une sorte de bénévolat, mais qui n'a rien à voir avec le bénévolat des festivals de rock. Ah bah si, oui, on va te compter, oui. Alors, dites vos prénoms. Jérôme, Guillaume, Tout le monde ici est en quelque sorte bénévole, même les enseignants venus du monde entier. Et ce service, la SEVA donc, ça peut être laver des toilettes ou les douches, éplucher des légumes, réveiller les autres en chantant ou faire l'accueil. Alors moi, j'ai plutôt de la chance parce que ma SEVA, c'est de distribuer le thé, plutôt le yogi tea, le thé ayurvédique, vers 18h30. Cardamome, ouais, la cannelle. Le est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce que moi, je suis... Le clou de hier, non, écoutez, je suis venue. Non, mais je suis venue. Ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est pour demain. Dis-moi un peu ton histoire. Fais un reportage. Oui, on peut se tutoyer. Bah oui, on peut se tutoyer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Japjit Kaur. J'enseigne des cours de yoga, des ateliers et même une formation d'enseignant de yoga. On m'appelle Japjit. Japjit. C'est un nom spirituel qui m'a été donné et qui est en même temps ma destinée et en même temps les défis que je dois relever. Jit, ça veut dire la victoire, celui qui franchit les obstacles. Et Jap, ça veut dire la méditation, la répétition des sons sacrés. Alors, qui est-ce qui t'a donné ce nom? Alors, on est dans le monde moderne parce qu'on est des yogis modernes. On n'est pas en train de chercher à se retirer dans des grottes au fond de l'Himalaya. On est en train de vivre la vie d'aujourd'hui parce que, tout simplement, on écrit sur Internet. Il y a un site Internet, 3HO. Et puis, on écrit, on demande un prénom et on nous l'accorde. Et des gens méditent à partir des textes qui sont dans la langue qu'on appelle le Gurmukhi, qui est une langue sacrée. Sacrée du nord-ouest de l'Inde, du Punjab et de toute cette zone, il y a une vraie connexion qui se fait. On va d'abord travailler sur soi. Et quand on travaille sur soi, eh bien, progressivement, on change le monde. On se change soi-même. Et il y a cette belle phrase de Mahatma Gandhi qui dit « Si tu veux transformer le monde, commence par te transformer toi-même. » Bon, moi, je n'imagine pas encore changer de nom, mais comme Henry David Thoreau, le premier yogi européen autoproclamé, je sens moi aussi clairement les bienfaits d'un retour à la nature, dans cette forêt où recharger mon portable et mon magnétophone est un peu une mission, et se doucher sous les arbres, une bénédiction. Dans Walden, ou La vie dans les bois, le best-seller d'Henry David Thoreau, sorti en 1847, l'écrivain américain raconte son introspection et sa métamorphose, loin du monde, en retraite, dans le Massachusetts. À l'époque, il lit d'ailleurs la Bhagavad Gita et il fait déjà du yoga. Il écrit que les hommes se trompent en général. L'homme laborieux, dit-il, n'a pas le loisir qui convient à une véritable intégrité de chaque jour. Il n'a le temps d'être rien d'autre qu'une machine. Satkaram Singh, can you give me another half hour? Certainly, no problem. On which channel shall I reach you? I will come back to you. All right, thanks. Je parlais à la sécurité là, pour qu'il arrive à vraiment convaincre les gens de déplacer leur voiture, de mettre leur voiture au parking. Et je passe mon temps à régler ce genre de petites choses à droite à gauche, voilà. C'est un peu le paradoxe qu'on a. On parle du Kundalini Yoga comme le yoga de la conscience. Sauf que la conscience, c'est bien, mais la conscience, on voudrait qu'elle soit appliquée. On a commencé à quelques centaines. Donc moi, quand j'étais enfant et adolescent, je me souviens de... Tout le monde s'ébahissait en disant « Waouh, vous savez combien cette année on est 600, paraît-il. Mais où est-ce qu'on va aller ?» Et bien, quelques, on va dire, 20 ans plus tard, on est... On attend 3500 personnes sur la semaine. Donc là, c'est vraiment un record. On n'a jamais été aussi nombreux. Comment vous pouvez décrire le festival? Oh là là. C'est un festival en pleine nature, déjà? Oui, et puis, je peux le décrire en tant que directeur, je peux aussi le décrire à un niveau personnel. Parce que moi, j'y suis venu pour la première fois, j'avais 12 ans, en 89. Donc ça veut dire que vous êtes un enfant du yoga? Je suis un enfant d'une maman qui... à commencer le Kundalini Yoga au Togo, parce qu'on vivait au Togo. J'ai l'habitude de dire « heureusement que j'ai eu ça dans mon adolescence ». Vous dites « heureusement que j'ai eu ça », ça veut dire « qu'est-ce qui serait passé sinon ?» Alors là, il faut rentrer un peu plus dans le détail de mon enfance, mais quand vous vivez dans un pays qui est une féroce dictature, que vous voyez vraiment des crimes d'État et puis des crimes civils tout court, quoi, vous voyez beaucoup de violence, beaucoup de misère, et quitter le pays du jour au lendemain parce qu'il y a des tueries en ville, parce que, bon, Et peut-être une forme de culpabilité, parce que vous voyez des gens qui sont vos voisins, qui, eux, vont rester dans cette souffrance-là. Vous voyez, bon, dans un cœur d'adolescent, tout ça se mélange, et je sais que je dois à cette pratique spirituelle le chemin du pardon, le chemin d'une compréhension plus vaste, mais aussi une capacité à d'ouvrir les yeux sur l'état du monde aussi, plutôt que de rentrer en spiritualité, comme on va dire. Voilà, rentrer dans un monde naïf où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les mains sur le cœur, on s'aime tous les uns les autres. Je sais que le monde n'est pas fait comme ça, et précisément moi ce que ça m'aide à faire, ce yoga, c'est à vivre avec un monde intolérant, brutal, méchant, violent, et aussi à repérer comment est-ce que le monde pourrait être différent. On which channel shall I reach you? All right, thanks. C'est pas ce bruit. Je pense que c'est l'équipe du petit déjeuner qui commence le service. Can you please tell after the sabbath, so that's now, that we need several people, that's you, for shopping at the kitchen area, that's over there. Right after sabbath, moi aussi, je me sens parfois un peu coupable. Coupable d'être là à m'occuper de mon petit bien-être au milieu d'une foule plutôt CSP+, comme dans les cours de yoga. Même si ici, il y a aussi des bikers tatoués hollandais, des mamies françaises dignes, des sikhs anglais en turban et en longue barbe, et des bobos hippie chics comme moi. Ça va, mais Colette ? Il n'y a pas beaucoup d'Africains comme Colette. Elle vit à Lomé au Togo. Ça arrive combien de marmites ? Et elle aussi, oh là là, 3. Elle est arrivée au yoga parce que... le stress. Jusqu'à avoir des problèmes d'hypertension. Il y a trop de choses à gérer. En Afrique, quand on travaille, on doit gérer aussi le reste de la famille. Et puis c'est une personne qui travaille dans la famille ou deux personnes qui travaillent dans la famille. Donc cette solidarité-là fait que tu dois subvenir aux besoins des autres. Donc c'est pas évident de gérer ça. Et qu'est-ce que tu faisais comme métier avant ? Qu'est-ce que je fais comme métier aussi actuellement ? Ça va vous étonner ce que je fais. Je suis notaire. Voilà. Et la première fois, je suis rentrée dans la salle de yoga et on nous dit « Allongez-vous, oubliez tout souci. » Et puis, il y a les mantras qui passent. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'étais bien. Et si on remonte au temps des pharaons, etc., quand on voit les postures des pharaons, c'est des postures de yoga. Donc, le yoga a existé en Afrique. Mais où, en Égypte ? Déesse Mat, M-A, à sens circonflexe, A-T. La déesse de la vérité. Il faut voir comment sa posture déjà. J'ai vérifié, effectivement, la déesse égyptienne Mat est représentée assise sur le talon gauche, les mains jointes sur le cœur, un peu comme on pratique ici tous les matins. Ici, chacun retrouve un peu de soi dilué ou révélé dans le mar de Teyoli. Ici, on retrouve ses racines, sa force, ou un peu de légendes oubliées, et surtout on sourit à des inconnus à qui on n'aurait sûrement jamais parlé ailleurs. Sylvia, elle aussi, a rencontré le yoga quand elle était un peu accidentée par la vie, quand elle travaillait chez Laurent Merlin. Ça me donnait une énergie incroyable. Quand je sortais de là, j'avais une pêche d'enfer, j'avais l'esprit clair. J'ai découvert, je veux dire concrètement, la dimension spirituelle. Et là, j'ai passé un cap. Tu n'avais aucune vie spirituelle ? C'est-à-dire non, je n'avais pas de vie spirituelle. J'ai été élevée dans la religion catholique. On est en Corse, avec deux parents corse, j'ai été élevée dans la religion catholique. Hein. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que... Bon, maintenant, je retourne un peu à l'église de mon village, parce que j'habite quand même à côté. Parce qu'il y a les chants corse, il y a les padiers, c'est magnifique, les chants corse, la semaine sainte et tout ça, c'est des mantras. Ou alors, quand je repense que ma grand-mère faisait le chapelet, il s'agit quand même de réciter 30 Ave Maria de suite, donc c'est franchement des mantras. Donc je comprends, j'ai compris ce que c'était que la prière, j'ai compris des pratiques, ou même simplement dans le message d'amour du Christ. Quand je dis ça à mes enfants, ça les fait mourir de rire. Hein. Et en fait, j'avais jamais chanté de ma vie. On m'a toujours dit que je chantais faux. Donc j'ai jamais chanté de ma vie. Et pour la première fois où j'ai chanté, c'est au Kundalini. Moi non plus, je ne chantais pas avant. Je ne chantais pas du tout. Et au Kundalini Yoga, les mantras, mais je me suis rendu compte que mais je chante bien finalement. Thank you. pas aimé le yoga au début. Hein. J'étais pas très sportif et puis bon, j'avais... Et en Kundalini Yoga, on utilise beaucoup de mantras. Mantra, vous définiriez ça comment ? Man désigne le mental. On a la même racine indo-européenne hein, que mental ou mens en latin. Et tara, c'est associé au mot sanskrit tarang, qui veut dire la vague. Et donc, une vibration qui traverse le mental. Donc, un mantra, c'est une façon de parler à son propre mental, avoir accès à ses structures psychiques, c'est vraiment pas donné. Quand on y pense, si c'était possible, il suffirait de se lever le matin et de se dire « Allez, à partir d'aujourd'hui, je pense positif. » Donc, le yoga, c'est pas ça. Voilà, précisément. Il faut avoir un moyen d'accéder à son mental. On peut imaginer que le mental est une production de notre structure psychique, c'est-à-dire de notre cerveau, de notre système nerveux, de notre système glandulaire, qui fonctionne à un tel niveau qu'il produit de la personnalité. Et les yogis ont découvert qu'en passant par des stimulations particulières très spécifiques du système nerveux, du système glandulaire, on a accès à certains niveaux de transformation, d'ajustement de son mental, c'est-à-dire reformuler certains fonctionnements psychiques qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus ou qui me desservent. Il faut comprendre le Kundalini Yoga comme une technologie et pas juste comme une vague pratique spirituelle vaguement indienne. C'est vraiment arriver à utiliser son système nerveux, son système glandulaire pour transformer ce qu'il produit, c'est-à-dire la structure psychique. Oh, ça c'est mon... Oui, Madoudou, qu'est-ce qui se passe ? Je suis juste avec les gens d'Exa depuis 13h30. Ok. Can we chant for peace for a few minutes ? Please close your eyes and sit calmly and quietly and pray for peace. Peace within you, peace in every part of you, into molecules, into electron, proton, neurons. You are 10 trillion cells in the body. Spread out. Become the rainbow. Le Kundalini Yoga est une pratique ancienne. On trouve sa trace dans des vieux écrits. On sait qu'il est passé par plusieurs formes, qu'il a peut-être eu des noms différents aussi, mais le terme Kundalini Yoga est un terme ancien. On sait par exemple que Jung a donné des conférences sur le Kundalini Yoga en 36, quelque chose comme ça, ou 34, où lui-même précise que c'est vraiment une des anciennes pratiques. Après, c'est un yoga qui est resté discret. Pourquoi ? On équilibre dans la pratique du Kundalini Yoga ce qu'on appelle Shakti. Shakti veut dire la puissance. Et la puissance est très associée à une autorité qu'on a sur ses instincts, sur ses pulsions, sur ses propres désirs et autres. Donc ça, c'est se prendre en main soi-même psychiquement. Et puis on a aussi ce qu'on appelle Bhakti. Bhakti est plus la dévotion. C'est aussi une attitude d'humilité, de reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Ces deux choses-là doivent être bien équilibrées. Et le yoga a eu une mauvaise réputation à partir peut-être du Moyen-Âge, hein, précisément parce que le yoga se perdait dans des formes très Shakti, donc avec beaucoup de quêtes de pouvoir occulte, donc avec des yogis fascinés par tout ça. Et c'est ce qui a donné au yoga vraiment une coloration parfois négative, notamment au sein des religions indiennes elles-mêmes, qui ont pu regarder le yoga avec une certaine défiance, on va dire. Et c'est pour ça que certaines pratiques étaient réservées, on va dire, à une élite, alors peut-être pas une élite sociale, hein, noble ou quoi, encore que certains le disent, mais plus à des gens qui ont pu prouver qu'ils allaient faire un bon usage de pratiques qui, potentiellement, leur donneraient beaucoup de pouvoir sur eux-mêmes et aussi sur les autres. Poke, provoke, confront, elevate. By elevating others, you elevate yourself to the height of Goddom. Celui qui a permis à ce yoga de sortir du secret, de connaître un certain succès en Occident et à ce festival de grandir sans aucune pub, s'appelle Yogi Bhajan. Il fait partie de cette poignée de grands yogis indiens qui sont arrivés en Occident, enfin aux États-Unis, et plutôt même comme Yogananda, sur la côte ouest, terre de conquête et d'espoir, de paradoxes et d'export de mode. Yogi Bhajan, lui, est né en 1929, au Punjab, et il est sikh. Comme les autres yogis de la mondialisation, Bhajan a su trouver les mots et les concepts clés pour faire comprendre aux Occidentaux la puissance de sa pratique. Il arrive en Californie en plein air hippie, Alors, il va d'abord s'adresser aux Américains qui sont séduits à ce moment-là par les expansions de conscience que propose notamment le LSD. Yoga means union. It's the same energy that drugs give you, force a rush on. Ces techniques de yoga kundalini vont même conquérir Woodstock et son fameux film culte. En 69, année héroïque où le tube de la comédie musicale Air familiarise alors la jeunesse à l'idée que l'humanité va entrer dans l'aube de l'ère du Verseau, the dawning of the age of Aquarius. That's the age of Aquarius. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius. Aquarius. Relax. Then just feel the energy. These are all beginning exercises of Kundalini Yoga. Go within yourself, meditate on each breath, and if you do it right, you'll be flashing momentarily. Yogi Bhajan est mort en 2004. Ses discours provocateurs et ses comportements parfois limites n'ont rien à voir avec ce qui se déroule ici en 2019, mais ses enseignements ont conquis des centaines de milliers d'élèves en Occident. Rest is going to be a miss, mess, and maybes. Ici en Sologne, je vis un paradoxe, celui de l'impératif de quête de soi au milieu d'un collectif actif de 3500 personnes qui pratiquent le yoga dans des cours géants. Alors on est loin des grottes de l'Himalaya et des premiers enseignements de maître à élève. Ici, on est dans un festival de yoga. Et si on arrive à un tel enseignement de masse, c'est, dit-on ici, parce que Yogi Bhajan avait prévu cette fameuse entrée dans l'ère du Verseau qu'il situait autour de l'an 2012. And what Yogi Bhajan said was that coming towards the Aquarian. Et ce que Yogi Bhajan a dit, c'est qu'on allait entrer dans l'ère du Verseau, que ce serait une ère d'information et de communication, d'interaction et de mondialisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à dire cela en 1969, quand le web n'existait pas du tout. Nous n'avions pas de téléphone mobile, nous n'avions pas Internet. Mais lui, il avait une vision claire de la direction que prenait le monde. Donc, il a dit qu'il fallait absolument trouver une façon globale de transmettre ses enseignements pour qu'ils soient adaptés et utiles pour l'avenir. Et il a détaillé de façon précise comment les choses allaient changer, le genre de pression que la population allait ressentir. Il disait souvent, les individus vont avoir le sentiment qu'ils n'ont plus de temps. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit. Je n'ai pas le temps de faire ce que je veux. Les êtres humains sont de plus en plus inquiets pour l'avenir du monde. Et c'est dur de vivre avec ça. Cette ère mondialisée et troublée, où le temps devient paradoxalement une denrée rare, c'est un spectre à la fois familier et un peu inquiétant que tous les élèves que j'ai rencontrés brandissaient en se préparant à affronter de futures années difficiles grâce au yoga. Ça, c'était bien avant l'arrivée du Covid. Food is new to me. I don't usually eat spices. Et je partageais alors mon petit déjeuner, assise par terre, à côté de Cathy, qui venait de Moscou. Well, eh bien, nous sommes tous entrés dans l'ère du Verseau maintenant. Donc les gens ont l'impression que le rapport au temps change, tout devient plus rapide. Et en Russie, c'est comme partout. Nous avons les mêmes problèmes. À Moscou aujourd'hui, on a plus de 20 millions d'habitants. Et si vous voulez vous rendre à votre travail, cela vous prend généralement environ 2 heures, peu importe d'où vous partez. Les moscovites travaillent généralement plus de 10, 11 ou 12 heures par jour. Et après, il faut encore du temps pour rentrer chez soi. C'est un stress énorme. Les Russes ne vivent donc plus que pour travailler et ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes. Alors à Moscou aujourd'hui, il y a des studios de yoga à chaque coin de rue. Je j'attendais avec impatience ce moment, ce festival, pendant une semaine, pour me ressourcer et retrouver une forme de simplicité et d'humilité. Le simple fait de manger en s'asseyant tailleur, pour moi, c'était une forme de retour à une façon très humble de vivre. Pour moi, le yoga est d'abord une école de liberté, parce qu'elle vous permet, par toute cette assaise, d'aller là où vous voulez aller sans être bloqué. Donc j'étais, on peut le dire, un tempérament extrêmement angoissé, anxieux, dépressif. 33 ans après, je peux dire que je ne sais plus ce que c'est que la dépression, honnêtement. Voilà, j'avais vraiment le sentiment de guérir de quelque chose. Dans ce festival, on vit tous une parenthèse avec l'ombre de Yogi Bhajan qui plane au loin. Alors j'ai essayé de rencontrer des gens qui l'avaient vraiment connu, au-delà des cours et du mythe qu'on peut construire autour d'un maître. Et pendant un atelier de méditation, je me suis retrouvée par hasard avec Armand comme partenaire. Je ne sais pas si, par sa méditation, il a vraiment su comprendre de quoi je devais guérir. Oui, mais je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il m'a fait rire et il a bien connu Yogi Bhajan sans jamais devenir sikh comme lui. Je m'appelle Armand, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à travailler dans une banque et j'ai fini en étant directeur des activités internationales d'une banque française dans le financement du négoce international qui est extrêmement complexe techniquement. Parce qu'on engageait d'énormes sommes d'argent, vous imaginez pas ce que ça coûte une cargaison de ce qu'on appelle les soft commodities, sucre, café, etc. Puis vous aviez les hard commodities, essentiellement le pétrole et les métaux. Donc c'était cela que j'aimais le plus dans ma relation avec Yogi Bhajan, c'est que j'étais pas dans son système du tout. Il disait que j'étais son ami, enfin pour moi c'était tellement un personnage immense, enfin être ami avec quelqu'un comme ça, c'était quelque chose qui dépassait mon entendement. Donc, mais bon, c'est ce qu'il disait. Comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés à Rome en 1990. Il donnait un cours, donc j'ai été mis en face de lui. Il m'a pas laissé aligner quatre mots, il m'a fait un signe de me taire. Donc je me suis tué. Il est rentré en méditation et puis ensuite il a ouvert les yeux, je savais que c'était fini. Bon, c'était un peu décevant pour moi, quoi, un peu. Mon ego en a pris un coup. Pourquoi ? Parce qu'il m'a rien dit, quasiment, quoi. La seule chose qu'il m'a dit, c'est de la fermer, en gros. Puis c'est tout. Puis quand c'était fini, je me suis levé, je suis parti. Et puis le lendemain, il a dépêché à mon hôtel trois personnes de sa garde rapprochée. Wow. Qui sont venues et m'ont dit « Yogi Bhajan veut te voir ». Mon ego, il est remonté d'un coup. Bon, donc je suis allé, ils m'ont emmené dans un appartement au centre de Rome. Il m'a mis dans une chambre avec une célébrité, d'ailleurs, à l'époque. Qui ça ? Niki Saint-Phal. Oui, il avait, à cette époque, il avait beaucoup d'idées. Et une de ses idées, c'était de créer un temple universel. Et pour ça, il était en relation avec Niki Saint-Phal. Puis je l'ai revu une année après, à Hambourg. Pendant l'intercours, à un moment donné, il se lève, il vient vers moi. Puis il m'a pris dans ses bras, il m'a tenu longuement comme ça enlacé, ce qui n'était pas très confortable parce qu'il était très très gros. Puis quand ça s'est terminé, il m'a dit « Un jour, je viendrai te rendre visite à Paris ». Je me suis dit, je comprends pourquoi je l'ai adopté comme maître, parce que finalement, il partage avec moi quelque chose d'oriental dans la façon de faire. J'ai pris ça pour de la politesse orientale, quoi. Et j'en ai parlé à mon amie qui est hollandaise et qui enseigne à Paris, qui me dit, ah non, pas du tout, s'il le dit, c'est qu'il va le faire et qu'il faut qu'on se prépare. Et puis, pour mes 40 ans, j'ai eu mon maître chez moi à la maison et où on a développé des relations extrêmement fortes. Donc tout de suite, il m'a un peu mis sous pression pour que j'aille avec lui à Rome. Alors je lui dis, j'ai mon travail. Il m'arrête, t'es un grand patron à la banque, c'est facile pour toi, laisse tomber une semaine, viens avec moi à Rome. Et je l'ai fait, bien sûr, il était de façon assez irrésistible. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dit à son patron banquier, pardon, je dois partir avec Yogi Bhajan ? Non, ça, je ne parlais pas de Yogi Bhajan à la banque. Il n'aurait pas compris d'ailleurs du reste. On va dire que les grands personnages de la Bible, je les imagine un peu comme ça. Donc du coup, c'est ça qui m'intéressait chez lui. C'était le personnage biblique. Franchement, pour moi, j'avais l'impression d'être avec un Salomon, quoi, quand j'étais avec lui. Healthy am I, happy am I, holy am I, healthy am I, happy am I, holy am I, healthy am I, happy am I, holy am I, healthy am I, happy am I, holy am I. Healthy am I, happy am I, holy am I, healthy am I, happy am I, holy am I. Deep listening to your chanting. If you want to, you can mentally project the sounds that you were just chanting. Jai Jo Bhaya, Jai Jo Bhaya, Jai Jo Bhaya. Expirez, à nouveau inspirez profondément, serrez les mains au centre du cœur et ressentez cette lumière du Tantra vibrer en vous. Commencez à vibrer en vous et elle va vibrer encore plus fort dans les trois jours à venir. Une technique spécifique pour nous transformer à l'intérieur, pour nettoyer notre subconscient, pour faire de nous des nouvelles personnes, en agissant sur notre système glandulaire, notre système nerveux, notre mental. And exhale. And this time to chant the Adi Mantra, inhale. Il est 7h35. C'est vrai que ça fait un peu de l'extérieur, tu peux te dire, c'est étrange. Ben, en fait, j'ai eu, par exemple, ma mère, pourtant qui est super ouverte, elle me dit, mais attends, mais c'est quoi ton truc, c'est une secte? Donc j'ai dit, non, pas du tout. Mais j'ai vraiment adoré les chants, c'était revigorant. Dans ma vie, le yoga est venu assez tardivement, mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que ça m'a ouvert à des dimensions différentes. Ça m'a déjà fait travailler sur moi-même, ça m'a permis de libérer certaines choses qui étaient extrêmement profondes et même transgénérationnelles. Squeeze those 21 little muscles in the pelvic floor. Squeeze them up, navel point in and up. Squeeze. Relax the bunda and inhale. And exhale. Une manière, je purge. Et après, je me sens vraiment plus légère. Mais ça arrive souvent, oui, dans les cours de Kundalini. Les émotions qui s'expriment. De pleurer? Ouais, de pleurer. Tu peux pleurer de gratitude. Tu peux pleurer ton corps évacue quelque chose qui était coincé depuis longtemps, mais ça libère et dans le quotidien ça donne une force que je pense que j'avais mais que je structurais pas bien. Ça m'a permis de surmonter des difficultés liées à du harcèlement au travail. Ouais, je pense que j'aurais pas fait de yoga, j'aurais pas tenu, je me serais effondrée. Même si j'étais dans la difficulté, en fait, derrière, j'allais tenir. J'allais pas aller m'écraser, jamais. Aujourd'hui, ouais, je sais que dans certains moments, je suis invincible. Quelqu'un s'étire à côté. Ouais, devant, il y a des gens qui pleuraient. Et le soleil s'est levé. En fait, il y a un côté qui revient au naturel de l'enfance, je pense. So many ways, God has blessed you. Il faut dire que ce festival a un petit côté colo-régressif sympa. Moi aussi, j'ai laissé couler quelques larmes au lever du soleil. Je ressens une énergie incroyable, je ne dors que 3 heures par nuit, je mange peu, je fais 5 heures de yoga par jour et je ne ressens aucune fatigue. En fait, je me sens même beaucoup mieux qu'au début. Peut-être parce que grâce à la force de mon nombril, que j'ai reconquise grâce à une méditation dont c'était l'objet officiel, c'était le lundi, eh bien j'ai réussi à aller réveiller la yogi chinoise qui ronfle toutes les nuits à côté de moi. Je la prends doucement dans mes bras, je la retourne sur le côté, et là, son ronflement disparaît comme par miracle. Bref, je vis cette parenthèse un peu comme un rêve hippie, aménagé à mon confort bourgeois avec un petit zeste d'appropriation culturelle joyeuse. Jusqu'à ce que je me retrouve dans ce cours. Là, sous la grande tente, des centaines de personnes secouent leur corps et à côté de moi, une jeune fille hurle. L'enseignante de yoga explique que cette technique doit laver nos subconscients des traumas des ancêtres. Alors là, je trouve cette promesse de transformation yogique étonnante parce que pour moi, le subconscient, c'était un concept plutôt occidental que yogi. Alors, j'ai eu envie de faire écouter cet enregistrement à mon oncle. Il n'est pas yogi, mais psychanalyste, disciple de Lacan, et il a beaucoup travaillé sur l'hystérie collective. Tout le monde est en train de secouer son corps, on va dire, de façon... Comme ils veulent. Vous nettoyez vos cellules des traumas de vos ancêtres. Oui, enfin, c'est une promesse de désencombrement, quoi. Ce qui, rien que l'implication du corps, c'est déjà ça. Parce que Freud dit bien qu'une des façons de traiter l'angoisse, c'est l'action, c'est le corps. Une sorte d'hystérie collective, quoi. C'est pas un truc extraordinaire. Tu vois, rien que d'aller là, t'es déjà dans la suggestion du truc. T'y vas pour forcément t'alléger de quelque chose, d'une certaine façon, de tout ce qui fait la conscience immédiate, quoi. Hein, de ce qui rumine, de ce qui souffre, en fait, hein, dans la répétition. Et effectivement, le fait que le corps soit impliqué comme ça, bah, ça fait coupure en soi. On ne demande pas de parler. On te demande d'éprouver, en fait. Après, ce qui t'a étonné, c'est que ça marche aussi bien, quoi. Aussi vite et à un niveau aussi collectif. C'est comme si ça marchait pour tout le monde dans le cours. Le collectif augmente la suggestion. C'est une foule, ça. 1000 personnes, c'est une foule. Et c'est vrai que dans la psychanalyse, ça a une démarche qui consiste... Freud disait « por levare », il utilisait un terme italien... pour dire que tu vas alléger, tu vois, tu vas faire perdre consistance à du sens qui te fait du mal, quoi. Donc l'idée, c'est un peu la même, sauf que là, on part d'une idée presque instantanément, tu vois. Alors après, bon, c'est pas vrai, puisqu'il faut répéter ça, il faut aller à une deuxième convention de cette dame, il faut continuer quand même. Oui, il y a une diète, voilà. On s'est levé très tôt le matin. Quand même, tu t'aperçois quand même que l'effet, disons, d'immédiateté impressionnant, où tu vois ces centaines de personnes à se mettre, à se mettre le corps dans des états qu'ils ne connaissent pas auparavant, finalement. Évidemment, avec encore cette notation que dans ce contexte, la suggestion est beaucoup plus forte, parce qu'on est dans le cadre d'une psychologie de foule, en fait, de masse, hein. C'est comme si tu réunis 1000 personnes dans une salle qui se mettent à hurler parce qu'ils voient leur chanteur préféré, tu vois. Woodstock, par exemple. Là, je pense que les gens, ils viennent pour se sentir mieux, alors qu'à Woodstock, les gens venaient avec un sentiment quand même de rupture, de révolte par rapport à la société telle qu'elle était. Il y avait une réaction à la guerre du Vietnam. Enfin, il y avait un soubassement qui était quand même socialisé politique. Parce que là, les gens, ils viennent... C'est une démarche individuelle, en fait. Hein, mais qui correspond quand même, disons, à une forme de pression énorme que la société moderne crée, avec toutes les douleurs et les déceptions que ça entraîne. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système jetable, où les gens ne s'y retrouvent plus. C'est sûr que la révolution et les luttes collectives peuvent se dissoudre dans la sueur des exercices et les mantras dopés au rock. Le yogi serait alors moins incité à changer le monde qu'à se transformer lui-même, peut-être pour mieux encaisser les désespoirs de la vie ou ses impératifs d'efficacité. Et pourtant, cette prof qui a mis des centaines de yogis en transe en quelques minutes a conclu son cours en disant que si on fait du yoga uniquement pour soi-même et son bien-être égoïste, c'est pas du yoga. Et elle a demandé à la foule de l'aider à créer un festival de yoga en Afrique. Et comme ce cours m'a vraiment troublée, j'ai aussi eu envie de le faire écouter à une autre professeure de yoga Kundalini. Viveka est suédoise, elle a formé plus de 700 enseignants et elle a participé au festival depuis plus de 20 ans. Quand j'écoute, c'est, je ressens une série d'asanas, une kriya qui est très intense, beaucoup d'émotions qui sortent. Tout ce qui est en tant que fardeau, peut-être familial et tout ça. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça dans un cours que tu tiens, enfin, c'est à 1h30 le mercredi soir à côté de Montparnasse. Non, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est un peu plus. Hardcore. Voilà, voilà. C'est au festival de yoga. Ça commence doucement et on mange tous la même chose. C'est un diète. C'est tout est préparé pour, quoi. Mais là, on va pas, en tant que prof, on quitte pas le tapis, on saute, et puis on va avec des mouchoirs. On laisse les gens sentir ce qu'ils sont, mais dans un milieu qui est safe, qui est en sécurité. C'est très, très important. Sans que ça devienne une hystérie en groupe. Hein? Parce que là, ça ressemble un petit peu à une hystérie de groupe. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et justement, ça, j'avais énormément de... Ça m'a fascinée au début et ça m'a aussi provoquée au début quand j'ai fait ce genre de truc parce que je me suis dit, mais ça ressemble à un secte, tout ça. C'est bizarre. Hein. Tout le monde, il y a quelqu'un qui dit à je ne sais pas combien de personnes à le faire, et puis tout le monde fait, et puis après... Hein. Mais une fois... Bon, je n'ai jamais fait partie d'un secte, donc je ne sais pas forcément ce que ça veut dire, mais je sais que c'est brainwash, que ton cerveau est lavé, que tu ne peux plus prendre tes décisions toi-même. Mais quand tu es dedans, si tu te lances, ça peut être une expérience formidable, mais il faut savoir se lâcher, sacrifier l'idée sur moi, est-ce que j'ai l'air con? Parce que d'être dedans, c'est une chose, mais si tu te mets juste à 100 mètres dehors et tu regardes, mais ça peut paraître complètement bizarre. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Hein. Mais je pense que le seul moyen de m'approcher de tout ça, c'était de faire et de voir ce que ça a comme effet sur moi. Et à force de faire tous ces exercices, ces méditations, et vraiment aller au profond dans d'utiliser ces techniques, il s'est passé des choses. Je me sens de plus en plus léger et plus en plus libre. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai lâchées et que je ne savais même pas que j'avais. Et donc, c'est le prix que je paye, que ça paraît bizarre et tout ça. Je peux le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est professeur et qu'on dirige 1000 personnes dans cet état-là? C'est une responsabilité énorme, oui. Énorme. Et il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et l'essentiel, c'est de ne pas manipuler l'espace, c'est pas manipuler les gens, parce que là, on n'est plus un prof, si on commence à manipuler, on est juste un manipulateur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un challenge, quand tu as autant de gens, mais c'est une grande responsabilité. Mais aussi, une fois que tu es sur cette place-là, you're not a woman, t'es pas une femme, t'es pas un homme, t'es pas une personne, t'es pas toi-même, t'es un prof. Et il faut être très très stable soi-même. And so very, very slowly, find your bodies connecting with your breath. From one side, bring yourself up and just sit quietly as you face forward. C'était une semaine au festival de yoga Kundalini avec Maud, Cathy, Colette, Sylvia, Gurujiwan, Armand, Dr Georges Aberberg, Ram Singh, Viveka Pasquier et les enseignants du festival de yoga Kundalini traduction Jeanne Raymond. Merci à Birgit, à Christine et à ma voisine yogi chinoise dont je ne connaîtrai jamais le nom mais dont j'ai enregistré les ronflements pour toujours. Archivina, Anne Delaveau. Documentation, Anne-Lise Signoret. Mixage, Jean-Baptiste Etcheparobord et Claude Nior. Réalisation, Manouchak Fachaï. Une émission d'Élodie Maillot. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans les bois, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, posture et imposture.